couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 FM et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région et même de la grande région. Coucou à nos amis en Alsace, en Champagne-Ardenne et même en Corse, et ça vous comprendrez pourquoi d'ici quelques semaines. Pierre au micro, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2023-2024. On s'est quitté au mois de juillet avec grande tristesse et en même temps joie d'arriver aux vacances. Et on est d'autant plus joyeux de terminer ces vacances et de reprendre notre activité radiophonique et musicale avec cette faune et cette flore d'artistes régionaux qui ne cessent de nous surprendre saison après saison, car certains vont loin, certains vont haut, et je parle de leur voix, mais je parle aussi de leur talent et de leur parcours. Et notre première invitée, ladies and gentlemen, ne fait pas exception puisqu'elle est finaliste de The Voice en 8e de finale en 2022, ce qui est déjà un accomplissement auxquels beaucoup d'artistes pourraient rêver et aspirer. Pourtant, elle garde les pieds sur terre. Je l'ai rencontrée à un concert. Elle est toute mimi, toute gentille, toute sympa. On dirait que je parle d'un labrador, mais tu n'es pas un labrador. Maestrina, on est avec toi. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va très bien. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de scène? Oui, oui, ça se dit comme ça. Maestrina. J'ai essayé de faire un tri. J'arrive pas. Non, Maestrina. Voilà, c'était ça. J'ai pas réussi. Ça commence bien. Ça va, tu es ravie d'être ici? Oui, oui, très, très ravie. Très chaud aussi. Très chaud, mais le studio est climatisé au 47 rue. Heureusement. Charles III, Fadjet. Ah non, si, Maestrina, 8e de finale de The Voice, un projet qui a amené un petit bébé, hein, parce qu'il y a un EP qui est sorti au mois d'août. En août 2022. L'EP qui est sorti en février, mais le single qui est sorti... Pardon, mais tu vois, je dis n'importe quoi. C'est pas grave. L'EP, tu vois, ça commence bien le travail journalistique. L'EP 20e corps. C'est ça, ouais. Qui est une rue. Oui, alors justement, je l'ai appelé comme ça parce que... En fait, je me suis dit tous les EP que je sortirai à l'avenir, car c'est prévu. Bon, après, c'est une question de budget pour le moment, mais c'est prévu. Je me suis dit que je mettrai à chaque fois le nom du lieu, en fait, où j'ai eu le plus d'inspiration, ou alors là où on a le plus travaillé, où on a fait nos résidences. Enfin, voilà, c'est vraiment le lieu, on va dire, emblématique, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur l'avenue du 20e corps. Exactement. À Nancy, voilà, c'est là que tout s'est mis en place. Et alors, c'est là où t'as enregistré ou c'est là où quelque chose t'a inspiré particulièrement? C'est là où j'ai enregistré notamment, mais c'est pas pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est surtout parce qu'en fait, on a fait toutes nos résidences là-bas avec mes collègues guitaristes et batteurs à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'était en pleine période de couvre-feu et donc c'était très compliqué parce qu'on voyait rien. Enfin, c'est-à-dire, il faisait tard très tôt, il faisait noir très tôt, pardon. Et donc, du coup, on sortait, il y avait personne. Enfin, voilà, c'est un peu un moment compliqué. Mais la musique nous a aidés pour le coup. On n'était que trois dans l'école parce que j'étais du coup à la MAI pour cette résidence-là. Donc, c'est l'endroit qui, pour moi, me disait, voilà, c'est là que j'ai le plus d'inspiration aussi pour composer mes titres, car il y en avait que j'avais déjà composé, mais il y a 2-3 titres sur l'EP que j'ai composé où j'ai eu l'inspiration à l'école en fait. De la musique pop-rock alternatif, en tout cas c'est comme ça que tu le décris. Exactement. Sur ta biographie, avec des inspirations diverses et variées, un parcours, toi tu as fait du violon. Oui, pendant 10 ans. Ouais. Pendant 10 ans, donc du coup on a ce côté... un peu folklorique aussi, hein, alternatif, ouais. Qu'on n'entend pas forcément mystique. On va dire cinématographique. Cinématographique, pop-rock alternatif, cinématographique. Alors, je sais que certains musiciens n'aiment pas les étiquettes, mais parfois, ça aide quand même, quand on a fait The Voice, pour se vendre auprès d'un programmateur, j'imagine. Oui, ça, alors, c'est vrai que The Voice m'a quand même bien aidé dans le sens où, on va dire, c'est de la visibilité, quoi. Et puis, c'est une très, très belle... très très belle expérience aussi, donc franchement je le referai 1000 fois quoi, mais c'est vrai que j'aime pas trop qu'on mette des étiquettes, et c'est vrai que moi-même je suis perdue quand quelqu'un me dit c'est dans quel style. Moi-même c'est compliqué. Je dirais, en général je dis pop rock parce que c'est global, Quand je dis alternative, tout de suite, ça peut perdre, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est un peu plus barré, on va dire. Mmh. Mais donc, du coup, de plus en plus, maintenant, je dis même pop alternatif. Pop voilà. alternatif. Voilà, ouais. Je dis même ça, comme ça, c'est assez, assez simple. On laissera les auditeurs être, voilà. J'allais dire juge, mais c'est un peu violent, se faire un avis. Exactement. Puisqu'on va pouvoir écouter trois titres, dont deux qui sont issus de cette EP. Et c'est puis, le premier qu'on écoutera dans quelques instants n'est pas issu de cette EP, c'est le dernier single. C'est ça. Et on en parlera dans quelques instants. On écoutera ça dans quelques instants. On va parler un peu rapidement, vite fait. J'ai cherché un autre homonyme, mais je n'en trouve pas. De là où on peut te retrouver, justement, on va parler de trouvailles. Alors, j'imagine sur les réseaux, oui. Facebook, Instagram, ouais. TikTok. C'est vrai que. Alors, il y a Snapchat aussi, mais bon, ça, c'est plus pour les proches, les persos. Ah ouais, voilà, donc, n'y allez pas. Voilà, s'il n'y vous plaît. Allez pas. Laissez-la tranquille. Voilà. Non, c'est vrai que moi, les réseaux que j'utilise le plus, même si, bien sûr, je suis sur tous, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfin voilà, tout ça. TikTok. Oui. alors, avant que... Je suis bilingue, donc ma mère est britannique, mon père est français. Donc voilà, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, j'écris tous mes titres en anglais, pour la plupart, parce que c'est ma langue maternelle tout autant d'accord. que le français. Donc on va éviter d'avoir un accent un peu trop nul. Tout à l'heure, j'ai fait, allez, je dire Facebook, mais je n'osais pas trop. Je me suis dit, bon, on va me prendre pour dire quelqu'un qui se la pète, alors que je pourrais dire Facebook. Facebook. Donc voilà, mais bon, je suis lâchée sur le TikTok. TikTok. Et l'EP, les titres, j'imagine, sur toutes les bonnes crémières. Deezer, Spotify. Voilà, je l'ai sur toutes les plateformes de téléchargement. iTunes, Deezer, Spotify, voilà, tout ça. Tout ça, on y va, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout dispo partout. Tout est dispo partout. Le parcours d'un musicien, même quand on a fait The Voice, c'est pas toujours rose, j'imagine. Ah, non. et parfois, bon, on va pas faire pleurer dans les chaumières, non. mais et parfois, j'imagine qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver ou qu'on n'est pas. Qu'on n'a pas le niveau, peut-être des fois on se compare, où on se dit mais pourquoi j'arrive pas à me prendre en main et c'est là qu'on doit peut-être. Ce pull yourself together. C'est exactement c'est ça. Un peu ça. En fait, alors, ce titre-là, ça parle vraiment de ça pour le coup. La transition. C'est pas mal. non, mais c'est vrai que ça peut parler de plein de choses différentes. Pour le coup, ça peut parler de dépression amoureuse ou quoi. Mais c'est vrai que ça parle surtout de ça. J'ai composé ça à une période où il n'y avait rien qui allait. Et en fait, je l'ai composé, donc il y a un feat avec Gauthier qui a fait The Voice avec moi, qui est aussi TikToker, qui a 300 000 abonnés sur TikTok, donc lui ça a bien marché pour lui. Allez. Ouais. Et donc du coup on a décidé de faire un feat ensemble en fait. Et à l'époque tous les deux on était un peu dans une phase, on va dire, démoralisée quoi, démotivée. Et en fait, du coup, j'ai composé ça et je lui ai dit, tiens, tu veux pas chanter dessus? Et puis il a écouté le morceau, il a fait, oh, vas-y, on le fait. Allez, on y va, let's go. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, être chanteur, artiste. Déjà, être chanteur, c'est compliqué, mais être artiste en plus, c'est vrai que c'est un long combat parce qu'on est toujours face à des problématiques. On essaie de se vendre son projet qui ne plaît pas forcément à tout le monde. On peut pas forcer, malheureusement, les gens à aimer, mais c'est vrai qu'on est là en mode, je suis là, écoutez-moi. c'est un long combat, d'un autre, on est aussi beaucoup face à des personnes qui aiment faire mal aussi. On ne sait pas pourquoi, des commentaires qui. Voilà, on dirait que ça leur fait c'est un malin plaisir, mais d'un autre, forcément, sur le coup, ça fait mal. Mais derrière, c'est ce qui nous motive encore plus parce qu'on veut leur prouver qu'ils ont tort. On fait « Non, t'as tort, regarde !» Et en fait, limite, c'est même ça qui nous motive encore plus d'avancer et de dire « Non, un jour, je vais y arriver et je vais leur prouver le contraire, en fait. » Alors, on va leur prouver le contraire avec ce morceau. Et comme tu es bilingue, langue anglaise naturelle, je vais te laisser l'annoncer avec ton plus bel accent, si tu le souhaites. Alors, donc, le prochain morceau, c'est donc « Pull Yourself Together » et avec un feat de Gauthier. Yes, sur Fadjet dans « Couleur locale ». Looks like my friends are letting me down. Seems like no one can hear me at all now. Feels like I'm kind of liking all of this. Sounds like I am falling down the list. Looks like I'm allergic to all of this. Seems like this is it. You just have to Pull Yourself Together. C'était pas trop mal. De Maestrina sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net, une demi-heure d'interview et de découverte de ton univers, toi qui as fait The Voice en 2022 et qui continue sur ta lancée, sur ton chemin avec ce titre qui est le dernier single à être sorti. Il y a un clip, quelque chose. C'est ça. Ouais, bah alors, j'ai encore des projets. Là, le problème, c'est que tout se ralentit tout simplement parce que. C'est les sous-sous. Le problème. Il faut des sous. C'est ça. Donc, j'avais lancé une cagnotte à l'époque. Litchi, ouais, comme ça. Une cagnotte litchi. Ça n'avait pas super bien fonctionné, mais bon, heureusement, j'ai eu quand même une petite récolte de 700 euros à peu près. Mais malheureusement, c'est pas du tout assez quand voilà, on veut lancer un EP ou un clip. Mais bon, je remercie quand même toutes les personnes. Bien sûr. Heureusement, parce que voilà, sans elles, j'aurais rien du tout. Donc, 700, on crache pas dessus. C'est clair. Donc, voilà, mais c'est vrai que du coup, tout a été vraiment retardé. Mais bon, c'est prévu. J'ai un clip de prévu ainsi qu'un single aussi. Mais bon, malheureusement, ce sera encore dans quelques mois. Mais c'est en train de se mettre en place enfin parce que là, pour l'instant, c'est surtout la récolte. Maintenant que j'ai la récolte, on peut y aller. Donc voilà, ce sera sûrement pour l'année 2024. Voilà. Question tarte à la crème, mais on est quand même obligé de la poser. C'est celle des influences et des inspirations pour essayer de voir si on a des auditeurs qui vont se retrouver aussi. dans toi par rapport à ça. Et quand je dis se retrouver dans toi, je reste très poli. Oui, bien. Non, mais enfin, qu'on soit sérieux. On se comprend, oui. non, mais oui. C'est vrai que, disons que... Alors, c'est difficile parce que en termes d'influence, pour moi, on peut être influencé par un style comme par un autre qui est complètement différent. Et c'est pas grave. Voilà, mais c'est vrai que là-dessus, disons que moi, si je devais caractériser déjà mon style, je pense que je suis dans quelque chose, on va dire, de caractériel, on va dire. Donc ça va être peut-être être dans la musique, ou alors ça va être dans l'émotion colérique, ou voilà. Et puis surtout la voix soul, dans tous les cas je l'amène parce que ben, c'est quand même mes bases, on va dire, dans le sens où j'ai toujours aimé la musique soul, la musique groove. Alors quel artiste du coup? Alors là, bon, on va dire, quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup les classiques, c'est-à-dire Aretha Franklin, Tina Turner, voilà, tout ça. Vraiment, j'étais là-dedans. Mais bon, aujourd'hui ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je suis dans quelque chose aussi de très urbain, donc on va dire soul caractériel urbain, quoi. Et donc du coup c'est vrai que là, si je devais donner des influences, je dirais j'étais très inspirée par Stromae déjà. Woodkid aussi, il y avait, bon, c'est la Sou bien évidemment, il y avait aussi Imagine Dragons aussi, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, là, je donne les principaux, vraiment lesquels où je les écoute, je suis en mode... C'est déjà très, très bien. Voilà, mais oui. Des inspirations musicales pour le moment éclectiques, en tout cas, parce qu'entre Stromae et Imagine Dragons, il y a, je dirais pas un boulevard, ça, mais des musiciens, voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'assez éloigné. C'est dans ça, un ouais, sens. Dans le sens style, ouais. Alors, un marqueur urbain, je viens de parler de boulevard, on a parlé de l'EP 20e Corps, qui est une avenue, une rue, et parfois, tu sais, dans les rues des villes, on croise des fantômes. Exactement. C'est Ghosts of the Street. J'aime les transitions, là. Ah, elles sont belles, ces transitions. Un titre, un titre qui est issu de 20e Corps. Alors, ça parle de quoi, Ghosts of the Street? Alors, j'ai été très... Alors, comme je vous ai dit, j'ai écrit ce titre-là en plein couvre-feu, on voyait personne, on était que entre nous trois. C'était Walking Dead. Vraiment The Walking Dead, ouais, complètement. Et en vrai, ça m'a inspirée parce que je partais le matin, il n'y avait personne, je rentrais le soir, il n'y avait personne, en plus il faisait nuit, et l'école était déserte, donc on était là en mode, mais c'est la fin du monde, en fait. C'est la fin du monde. Il faisait froid en plus, donc c'était vraiment... Et en fait, c'est là que ça m'a inspirée parce que je me rendais compte que j'étais aussi dans une, on va dire, une mauvaise passe, dans le sens où... on rencontrait pas grand monde, on vivait pas notre vie étudiante, donc on va dire le moral n'était pas non plus au top du top. On est aussi enfermé entre quatre murs parce que voilà, on est en studio, en résidence. Bon voilà, c'est un peu le moral, il a du mal, quoi. Et donc du coup, je me suis juste tout simplement dit, à chaque fois que je faisais le chemin du retour, je voyais les bâtiments, je voyais qu'il y avait personne, et je me disais, c'est vraiment une ville fantôme ici, quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais en fait. Parce que devant les bâtiments, je les connais par cœur, en fait. Et je me rappelais de bons moments comme de mauvais moments. par exemple, je sais pas, devant un, n'importe quoi, mais devant un bâtiment, je me suis engueulée avec mon ex, par exemple, enfin, j'en sais rien. Et je dis, oh là là, ça me rappelle ça, ou ça me rappelle ci. Et donc, déjà, bon, du coup, ça me, entre guillemets, c'est mon passé qui me rattrape. Dans le sens où, bah voilà, ça me hante, mes propres fantômes me hantent. Je me revois, quoi, devant le bâtiment. Mais il y a aussi les fantômes du passé, en me disant, voilà, les fantômes de la ville, vu que la ville, elle a quand même toute une histoire. Et donc, il y a aussi ça, je disais, mais en fait, il y a peut-être pas que moi qui a vécu une histoire ici, il y a quelqu'un d'autre qui a vécu une histoire ici. Donc, son fantôme aussi est ici. Et donc, du coup, au final, c'est pour ça, le morceau, il parle de ça, en fait. Il parle de tous les fantômes qui me suivent, donc les miens et les autres. C'est une triple lecture, finalement. Voilà, exactement. Et je vais te laisser l'annoncer, puisqu'on va l'écouter tout de suite. Exactement. Donc, bah, ce sera Ghost of the Street. De l'EP 20e corps de Maestrina sur Fadjet dans Couleur Locale. Hopefully I won't feel or see someone. Ghost of the Street de Maestrina, mon invité sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net. Si vous venez de rejoindre l'émission, que vous êtes chafouin, vous êtes comme des fantômes dans une rue vide pendant un confinement covidien et que vous vous dites j'ai raté le début de l'émission, bordel, eh bien ne pleurez pas. Petit fantôme redeviendra vivant puisque tu pourras l'écouter cette émission sur Spotify for Podcaster, mon compte Pierre Merciol Fadjet et sur le site de Fadjet pendant une semaine. Alors ne pleure pas, ne pleurons pas, n'est-ce pas Maestrina? Faut pas pleurer. Non, non, pas pleurer. Désolée, ça m'a fait penser à ça. Et c'est pas grave, tu as le droit de t'exprimer. En plus, on a un aperçu live de ta voix. Oui, ouais, bah c'est vrai que ça fait toujours bizarre de s'entendre. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre et c'est pas toujours agréable non plus. On fait ouh, ah, ouais, c'est faut savoir, c'est difficile de s'entendre. Mais bon, avec le temps, j'ai appris à ne pas écouter en mode comme si j'écoutais quelqu'un chanter. Maintenant, j'ai appris à m'écouter en mode analysant. Oui, voilà, j'arrive plus à parler. On a parlé, tu arrives encore à parler aussi très bien à écrire. On en parlait hors antenne de ta préférence ou tout du moins ton instinct pour écrire en anglais par rapport à l'écriture en français. Il y a sûrement plein de raisons derrière. Oui, c'est vrai que déjà, vu que ma mère est britannique, je lui parle en anglais depuis que je suis toute petite, donc c'est vraiment ma langue maternelle autant que la langue française. Après, je ne sais pas pourquoi, j'y arrive plus facilement à écrire en anglais qu'en français, parce que je pense que les mots me résonnent plus, en fait, tout simplement. Quand j'écris en français, j'ai l'impression que je dis « ouais, mais non, c'est pas vraiment ça que je veux dire ». Pourtant, et la langue française, elle est riche, hein. Ça, c'est vrai que ça manque pas de mots, mais je sais pas, les mots me résonnent moins. Caractériel, tribal, de l'émotion aussi. On le voit avec Fantôme de la rue. Oui. Là, j'avais dit que je traduirais plus les titres en français, mais je l'ai fait, je suis désolé. Alors moi, je vais te faire jouer à un petit jeu, petite mise en situation, pour essayer de comprendre ton processus créatif, ton processus d'écriture, mais surtout ton processus d'âme. Oula. Est-ce que tu veux jouer à ce petit jeu? Allez, vas-y, je suis partante. Ok, je vais te poser deux situations et tu vas me dire laquelle t'inspirerait le plus l'écriture d'une chanson, en français ou en anglais, peu importe, voire même peut-être l'imagination d'une mélodie. D'accord. Est-ce que tu es prête? Allez, vas-y. Tu es dans un train. Ouais. Tu rentres d'une tournée. Ouais. Tu es éreintée. Ah bah ça, je connais. le soleil se couche. Ouais. Tu l'observes par la vitre du train. Mm-hmm. Tes sens et tes émotions commencent à s'abandonner. D'accord. À cet environnement, ce soleil couchant. Une odeur de café peut-être de ton voisin de derrière. Un bébé qui pleure au fond d'une rame. Un plaisir. Des odeurs de pain. Un plaisir peut-être, je ne sais pas. Tu vois ce soleil qui se couche et ça te fait penser à la fin, mais peut-être au renouveau parce que tu sais qu'après le soleil vient la lune et après la lune vient le soleil. Mm-hmm. Donc finalement, on est dans une sorte de voyage de fin, mais de commencement d'autre chose, je ne sais pas. Tout ce à quoi tu peux penser dans cette situation. À quoi je pense dans cette situation-là? Et là, tu te vient un mot, te vient une mélodie, te vient une chanson, je ne sais pas. D'accord. Tu prends un calepin, un téléphone portable, un ordinateur et tu notes. Première chose qui me vient dans cette situation-là quand j'écris. Alors, c'était pas forcément une question, mais tu pourras répondre après. Du coup. D'accord, ok. C'était la première situation. Ça me permet d'y réfléchir. Ça me permet d'y réfléchir. Première situation. Ok. Deuxième situation. Nous sommes en pleine nuit. Il est 3 heures du matin. Tu es dans ton lit et tu te réveilles. Tu sais très bien si... Ça m'arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Et tu sais très bien si tu es fan un peu de tout ce qui concerne les mondes oniriques, le sommeil, que c'est pas forcément un hasard quand on se réveille en pleine nuit. Tu te réveilles. Mais c'est pas un réveil aussi simple que cela. C'est un réveil empreint d'un rêve. Un rêve que tu ne veux pas laisser échapper, car tu sais aussi que les rêves s'échappent entre 30 secondes et une minute après le réveil. Pourtant, ce rêve-là, tu ne veux pas le voir s'échapper. Pourquoi? Parce que ce rêve, et je ne sais pas quel était ce rêve, il t'a inspiré une chanson, un mot, un texte, une mélodie. Il y a une situation, absurde ou non, réelle ou moins réelle, mais tu ne veux pas la laisser s'échapper, cette situation. Okay. Alors tu prends un bloc-notes, ton téléphone, ton ordi, et tu notes. Okay. Alors, plutôt train, soleil couchant, plutôt réveil nocturne, les deux, aucun des deux. Alors, le deuxième. Le deuxième. Le premier, pour le coup, ça, alors je sais pas pourquoi, mais ça ne, ne, enfin, ça ne m'inspire pas, le soleil, tout ça. Quand, enfin, je me rends compte, de toute façon, souvent, je n'ai pas l'inspiration. Souvent, en pleine journée, je ne l'ai pas. C'est rare. Et si je l'ai, c'est que je suis chez moi. C'est que je suis vampire. Non, non, mais c'est-à-dire que, ouais, en général, si je suis esquintée ou quoi, en plus, je sais que l'inspiration, elle n'est pas là. Mais par contre, le soir, enfin, c'est-à-dire la nuit, si je me réveille, c'est souvent là que j'ai l'inspiration. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé où en fait, je me réveille, j'ai une mélodie en tête, parce que dans le rêve, j'ai chanté une mélodie, et je me réveille, je dis, oh, est-ce que c'est connu ce truc-là? Parce qu'en fait, au final, on ne sait même pas si c'est connu. Dans notre rêve, on croit que c'est connu, puis on se réveille, en fait, c'est inconnu au bataillon. Et en fait, souvent, ça m'arrive, et mon copain, il dort à côté. Donc, je n'ai pas commencé à chanter dans la nuit. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent là que ça arrive, et je suis assez d'accord avec ce truc de, voilà, à 3 heures du matin. Bon, moi, je sais que je suis un peu spirituelle sur les bords, donc je me dis, bon, c'est pas un hasard. Donc, s'il y a eu un truc, là, il faut que je le note, parce que c'est un signe, il faut absolument que je compose à ce moment-là, quoi. Et souvent, d'ailleurs, quand ça m'arrive, c'est que c'est un peu la pleine lune, donc, bah, la preuve, Ghost of the Street, j'ai tendance à... En fait, c'est tout souvent, c'est dans la nuit que ça se passe, hein, ce genre de choses, donc j'ai toujours ouais, une image de la nuit quand je compose. Enfin, c'est souvent comme ça. Maestrina au micro de Fadjet dans Couleur Locale. On a été avec toi pendant une demi-heure. L'émission touche à sa fin. En tout cas, très belle réponse. Merci. Belle réponse et pas bonne réponse, puisqu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une très belle réponse. On rappelle que tu as un EP qui est sorti cet été qui s'appelle 20e corps. Non, il est sorti en février. En février, je vais y arriver. Il est sorti en février qui s'appelle 20e corps. Voilà. Et le single, lui, est sorti en juillet. C'est en août 2022. En fait, ils sont tous les deux sortis en 2022. C'est quand même un peu chiant. Hein. Non, mais c'est pas grave. On est fatigué. C'est pas grave. Enfin, bref. Ils sont sortis. C'est tout ce qu'il faut savoir. 20e corps, voilà. Spotify, Deezer, tout ce qu'on veut. On peut te retrouver là. On peut retrouver ces morceaux-là, ceux qu'on a écoutés et puis d'autres. Aussi, oui, du oui. Coup. D'autres qui sont prêts, ils sont dans mon ordi, ils sont tout chauds. Ils bon. Sont tout chauds. tu n'es pas toute seule et on va terminer cette émission en remerciant les personnes qui sont avec toi quand même. Oui, alors là, ouf, il y a du monde. Déjà ma famille, hein, c'est les premiers, on va dire les premiers fans comme on dit. Et puis forcément, tous mes collègues, donc que ce soit déjà Oak Production qui a mixé tout mon EP. Il y a aussi toutes les, alors je peux pas dire encore, mais toutes les personnes qui vont s'investir dans ce clip, vraiment déjà merci d'avance parce que là c'est quand même, ça va être du boulot. Et puis forcément toutes mes personnes proches, en fait toutes mes personnes proches et toutes les personnes qui croient en mon projet, en tout cas. Voilà. Et c'est très bien d'être entouré, et surtout quand on est entouré de bons collègues et pas de mauvais collègues. Ah oui, oula, ça peut arriver. Ça peut arriver. Exactement. Et c'est ce qu'on va écouter. C'est ça, bah c'est justement un morceau que j'ai composé parce que mon collègue ne faisait pas son taf, justement. Et puis au final, bah j'ai écrit un morceau et je lui ai présenté, je dis tiens, bah, vraiment on se prenait tout le temps la tête. Et le jour-là, je lui ai dit tiens, regarde, voilà, on va jouer ça. C'était mon guitariste de l'époque. Et puis on fait le truc, il fait ah j'aime bien, je dis ouais bah ça parle de toi mais pas dans le bon sens. Et au final, bon, en fait après coup, on avait vraiment gardé de bons, enfin au début on s'entendait pas, et puis au fil du temps on est vraiment devenus de bons collègues, dans le sens où on a appris à travailler l'un avec l'autre. Et puis bon, au final on travaille plus ensemble parce que bah là on a pris un peu nos chemins différents, lui il a dû partir dans ses projets, mais voilà, c'est devenu un bon collègue, mais c'était un mauvais collègue au début. On va s'écouter un extrait, le morceau est assez long, mais oui. Je demanderai aux auditeurs d'aller de toute façon le chercher sur les réseaux. Merci à toi pour ta gentillesse et merci. Ton talent. Et ben de rien. C'était Fadjet Couleur Locale avec Pierre au micro les samedis 13h, dimanche à midi, le podcast dimanche 18h sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine avec le groupe de rock Let's Zap. Ce sera les 16 et 17, pardon. Et puis la semaine d'après, on sera avec Johan Casanova, que tu connais bien. Que je connais bien, oui. Que tu connais bien. Voilà, la saison commence sur les chapeaux de roue. À bientôt, chers auditeurs. Merci.